بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc depuis quelques jours il y avait une coupure des services de la radio avec Mixalar. Finalement je crois qu'aujourd'hui c'est rétabli. Donc alhamdoulillah, on peut reprendre la diffusion des cours par la radio. On commence aujourd'hui le cours 127 dans la lecture du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim. Et c'est le cours 128, comme je disais, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Et le Cheikh ici, il dit maintenant, Cheikh al-Islam, Rahimahullah, وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم وبمخالفة من سواهم إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقيصة فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها ومن نقص من العرب إنما نقص بتخليهم عن هذا وإما بموافقتهم للعجم فيما جاءت السنة أن يخالفوا فيه فهذا وجه. Donc on va essayer de traduire ça ici maintenant que ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a expliqué. Il dit que parmi les gens, parmi les gens, ceux qui sont sortis de cette perfection, hein, sont de deux catégories. Soit qu'ils sont des kuffars, et quand on dit de cette perfection, c'est-à-dire par rapport à la science et par rapport aux actions. On a dit que par rapport aux premiers d'entre les croyants, parmi les sahaba, ceux qui ont accepté l'islam, hein, sont sortis de cette perfection. Les kuffars parmi les juifs et les chrétiens qui n'ont pas accepté la guidance qui vient d'Allah, et les autres parmi les non-arabes qui n'ont pas partagé, disons, ou qui n'ont pas eu une part, qui n'ont pas été associés, disons, à ce que les arabes avaient comme fitra par rapport à la fitra qu'ils avaient et les prédispositions qu'ils avaient. Et il dit, le cheikh ici, que la plupart des non-arabes à cette époque-là, ils étaient des kuffars, soit parmi les Perses ou les Romains. Hein, il n'y avait pas de musulmans parmi les non-arabes à cette époque-là, excepté ceux, bien entendu, qui habitaient parmi les Arabes et qui ont accepté l'islam, parmi les Sahaba, comme on avait mentionné déjà préalablement, comme Salman, Al-Farisi et d'autres également. Et le Cheikh, il dit que la charia est venue يعني dans avec l'ordre de suivre ceux qui ont précédé sur la guidance, parmi ceux que Allah a agréés d'entre eux, c'est-à-dire de suivre les sahaba, de suivre as-sabiqin, ceux qui ont précédé dans la foi, et de contredire tous ceux qui sont en dehors d'eux, soit à cause de son péché, soit à cause de sa diminution, ou de sa diminution par rapport à cette guidance-là, ou parce que on aurait une suspicion, ou pas une suspicion, mais plutôt on pense que yani, c'est plus propice que ces gens-là, ou plus yani, c'est plus supposé que ce sont des gens qui ne sont pas sur la guidance, puisqu'ils n'ont pas eu accès à la guidance, et puisqu'ils n'ont pas été en contact avec la guidance. Donc soit qu'ils sont dans le péché, dans la désobéissance, ou soit qu'ils ont une défaillance, ou soit qu'on pense qu'ils ont une défaillance. Et il dit, فَإِذَا نَهَتِ الشَّرِعَةُ عَنْ مُشَابَهَةِ الْأَعَاجِمِ. Donc si la charia a interdit d'imiter les non-arabes parmi les kuffars, eh bien, yani, ça rentre, on peut inclure dans ça tous les non-arabes parmi les kuffars, que ce soit dans le passé ou dans le temps présent. Et il dit, on peut faire rentrer également dans ça ce sur quoi se tiennent les non-arabes musulmans qui n'ont pas suivi ce que les premiers parmi les musulmans ont suivi, parmi les sahaba et les tabi'in. Et il dit, de la même manière que les arabes qui étaient dans la jahiliya avant l'islam, ce qu'on appelle la jahiliya des arabes, la période d'ignorance des Arabes, c'est-à-dire préalable à l'islam, eh bien, yani, ils étaient dans une ignorance avant l'islam. Et il dit, ce à quoi beaucoup d'entre les Arabes sont retournés de la jahiliya dans laquelle ils étaient, sur laquelle ils étaient avant l'islam. Et quiconque parmi les Arabes imite les non-Arabes, eh bien, on peut les calculer ensemble, ou les mettre ensemble dans la même catégorie. Et quiconque parmi les non-arabes ont imité les arabes, ou ont ressemblé aux arabes, alors on peut les mettre ensemble aussi. Et c'est pour ça que tous ceux parmi les, par exemple les fils de la Perse qui ont accepté la foi et qui ont obtenu la foi et la science, ils ont uniquement obtenu cette science et cette foi en suivant la religion al-hanif, la religion du pur monothéisme et de l'adoration d'Allah unique, et du rejet des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ils ont également ils ont suivi cela également. Ils ont obtenu cela également en plus d'avoir suivi la religion, également en s'accrochant à la langue arabe, et ce qui est relié avec la guidance et le fait de suivre les premiers musulmans, les premières générations. Il dit, et parmi les arabes, ceux qui ont eu une déficience ou une défaillance par rapport à ça, c'est uniquement parce qu'ils se sont détournés de cette science et de cette pratique et de cette foi, et parce qu'ils ont essayé d'être en accord avec les non-arabes dans ce dans quoi ils ont contredit la religion, et comme c'est mentionné dans la sunna, lorsqu'ils ont contredit dans certains aspects. Et le cheikh Al-Fawzan, il va donner des commentaires sur ce point-là. Il dit, il dit cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين. إما كافر يعني أن المخالفين قسمان، أحدهما من أهل كتاب الذين كفروا بالله عز وجل وأبوا أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الذي لا يتبع هذا الرسول كافر سواء كان من الكتابيين أو غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والسبب كفر من لم يتبع النبي، والسبب في كفر من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب أن الكتب السابقة قد نسخت بهذا الدين. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن أراد السلامة فليدخل في هذا الإسلام. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس ما جاء به الأنبياء من قبل من العقائد والشرائع، فالنبوة تخرج من مشكات واحدة. ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به وحده، وما عداه فليس بإسلام، لأنه قد نسخ وإن كان أصله مشروعا، والعمل بالمنسوخ ليس دينا بعد النسخ. Donc le cheikh il explique que les gens qui ont sorti de cette perfection sont de deux catégories. La première, c'est soit qu'il était kafir, et il dit le cheikh, c'est-à-dire que ceux qui ont contredit cette guidance et cette perfection qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les premiers musulmans ont suivi, eh bien ils sont de deux catégories. La première catégorie, c'est les gens du livre qui ont renié la foi en Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont refusé de suivre le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit le cheikh qu'on sait très bien que celui qui n'a pas suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un kafir, peu importe qu'il fasse partie des gens qui ont reçu le livre ou non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là: nul n'entend parler de moi nul de cette umma entend parler de moi que ce soit un juif ou un chrétien, puis ensuite il meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, excepté qu'il sera parmi les habitants de l'enfer. Et la cause de cette mécréance de leur part, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les gens du livre, donc la cause de la mécréance de ceux qui n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens du livre, c'est il dit yani parmi les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui ont reçu les livres précédents alors que ces livres là ont été abrogés. C'est ça la cause de la mécréance de ceux qui n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens du livre qui ont reçu les livres précédents, c'est que leurs livres précédents ont été abrogés par cette religion. Donc ils ne peuvent plus prétendre la validité de ce qu'ils suivent aujourd'hui comme religion, que ce soit le christianisme ou le judaïsme, parce que ces religions-là ne sont plus valables puisqu'elles ont été abrogées par l'islam, par le Coran, par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 85 dans sourate Al-Imran: et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Donc quiconque désire être sauvé et avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre son châtiment au jour de la résurrection, alors il n'a pas de choix que d'entrer dans l'islam, dans cette religion de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 83 et dans le verset 19 dans sourate Al-Imran: est-ce qu'ils désirent une religion autre que celle d'Allah, hein? Est-ce que c'est est-ce qu'ils cherchent autre que la religion d'Allah, alors que c'est à lui que sont soumis, hein, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, bon gré, mal gré, hein, qu'ils le veuillent ou non. Et dans l'autre verset, le verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes la religion pour Allah c'est l'islam, hein, inna ad-dina 'indallahi l'islam. Donc il n'y a pas d'autre religion acceptée et valable pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'humanité. Et l'islam dont on parle, c'est l'islam avec lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et il dit que l'islam avec lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, c'est le même islam que l'islam qui a été amené par les prophètes précédents, hein, en ce qui concerne la croyance. Oui, en ce qui concerne les croyances et les législations, il dit parce que les prophètes et la prophétie viennent de la même source, hein, de la même lumière, de la même lanterne. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien l'islam est devenu uniquement ce qu'il a amené lui. Et tout ce qui est en contradiction ou en dehors de ce qu'il a ramené ne fait plus partie de l'islam parce qu'il a été abrogé. Hein? Même si à l'origine ou à la base, ces révélations précédentes étaient légiférées, hein? C'était légiféré dans le sens que c'était valable de les appliquer et de les suivre auparavant, mais du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et que l'islam a été complété dans sa forme et dans sa version terminale et finale, eh bien à partir de ce moment-là, tout ce qui était révélé ou tout ce qui existait auparavant a été abrogé, et on ne peut plus considérer, donc à partir de ce moment-là, ce qui a été révélé préalablement comme étant la religion valable, hein, parce que tout ça a été abrogé maintenant. Et il dit le cheikh ensuite, قوله فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم فالأمة ما عزت إلا بعدما دخلت في الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي انتشلهم من المهانة والذلة التي كانوا فيها. وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالعرب قبل الإسلام كانوا في أذيال القافلة وولاؤهم إما للفرس وإما للروم، فلما جاء الإسلام كون منهم أمة عظيمة فتحت بلاد كسرى وقيصر. Donc le cheikh explique que ensuite, lorsque le cheikh Ibn Taymiyyah dit que la charia, elle est donc venue avec l'ordre de suivre, hein, ceux qui nous ont précédés parmi les premiers croyants qui ont été sur la guidance et que Allah a agréé, hein. Et il dit le cheikh que la umma n'a pas connu de fierté et d'honneur et de puissance et de force excepté après être entré dans l'islam, hein, l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené, hein. Donc c'est cette religion, c'est cet islam qui les a fait sortir de cette faiblesse et de cette humiliation dans laquelle ils étaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ça dans un verset dans le Coran, et il mentionne comme exemple le verset 26 dans Sourate Al-Anfal. Et dans ce verset de Sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens. Il vous donna asile et vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Donc ce verset, c'est pour expliquer en fait que les Arabes avant l'islam, ils étaient à la queue de la caravane, toujours en arrière. Et leur allégeance était soit pour les Romains ou pour les Perses. Mais lorsque l'islam est venu, eh bien, les musulmans ont composé une grande nation. Et ils ont pu par la suite conquérir la Perse et Rome. Et il dit le cheikh ensuite, wa khulasatu al-amr anna man kana fihi mukhalafa li hadha ad-din wa mukhalafatu li ulaika as-sabiqin fa innahu yahsul fihi naqs bihasabi hadhihi al-mukhalafa fa in kanat kufran wa riddatan فإنه يكون ذليلا حقيرا مهينا في حياته وبعد موته وإن كان عاصيا دون الردة فإنه يكون فيه ذلة ومهانة بقدر معصيته كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري قوله فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار يعني أن التشبه بالأعاجم سواء كانوا أعاجم في الماضي أو الحاضر يوجب الذل لأن العجمية نقص والعروبة في الجملة شرف فإذا انتكس الأمر وصاروا يلتمسون العز من جهة الأعاجم ذلوا وهانوا وحصل لهم التأخر كما هو الواقع اليوم فالتشبه بالأعاجم لا خير فيه حتى ولو أنهم أسلموا فإن العجمية في حد ذاتها إذا قوبلت بالعربية فهي ناقصة كما سبق وقلنا أن جنس العرب أفضل من جنس العجم والعجم إنما حصل لبعضهم الشرف والرفعة لما دخلوا في هذا الدين وتعلموا هذا العلم لا أنهم نالوه بأصلهم وحسبهم وإنما باتباعهم هذا الدين. Donc il dit, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer, un résumé de tout ce qu'on a expliqué, c'est que celui qui a contredit cette religion et qui a contredit les premiers parmi les croyants qui ont précédé dans la foi, les muhajirines et les ansar, ce qu'on appelle as-salaf, eh bien, il dit, alors il aura une déficience et un manque selon la contradiction qu'il a vis-à-vis de la religion et vis-à-vis de cette guidance. Et donc, il dit que cette déficience-là, si c'est au degré de la mécréance, du kufr ou de l'apostasie, la ridda, alors dans ce cas-là, il sera humilié. Il sera méprisable et rabaissé dans cette vie d'ici-bas et après la mort dans l'au-delà. Et si la personne en question a contredit cette guidance par une désobéissance qui est moindre que l'apostasie, c'est-à-dire que la personne elle a désobéi mais elle n'a pas renié la foi, eh bien dans ce cas-là, elle aura de l'humiliation et elle sera rabaissée selon la proportion de son péché et de sa désobéissance. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad selon Ibn Omar, hein, et l'humiliation et le rabaissement a été mis sur ceux qui contredisent mon ordre. Hein. Et il dit ensuite, et lorsque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que la charia interdit d'imiter les noms arabes et que les ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار, il dit que les noms arabes kuffar, ceux qu'ils suivent rentrent dans cette interdiction là il dit, c'est-à-dire parce que le fait de suivre les noms arabes, c'est-à-dire les noms arabes, c'est-à-dire les mouchriquins et les kuffars, que ce soit ceux du passé ou ceux d'aujourd'hui, eh bien ça, ça amène de l'humiliation. Hein? Il dit pourquoi? Pour quelle raison? Parce que les noms arabes, il dit les noms arabes sont déficients à la base par rapport à, aux arabes, c'est-à-dire par rapport aux arabes qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont accepté la foi, les premiers croyants. Et il dit même si ces noms arabes là il dit parce que de façon générale, comme on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents, l'arabité est une honneur et quelque chose d'honorable. Et il dit si la chose est renversée et que au lieu que ce soit les noms arabes qui cherchent à imiter et à suivre l'exemple des premiers musulmans, que c'est le contraire qui se produit et que les musulmans cherchent à imiter les noms arabes, c'est-à-dire parmi les kuffars et les mouchriquins, eh bien dans ce cas-là ils seront humiliés et rabaissés, hein? Et ils vont être en retard, hein? Et c'est ce qui se passe actuellement, et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde musulman, parce que les musulmans ont imité les kuffars et pensent que le progrès et l'avancement est dans le fait d'imiter les kuffars. Donc à cause de ça, les musulmans sont en retard. C'est à cause de ça. Alors que beaucoup de musulmans s'imaginent que le retard dans lequel ils sont dans le monde musulman, c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas imité les kuffars. La réalité, c'est le contraire. C'est parce qu'ils suivent et imitent les kuffars qu'ils sont dans ce retard dans lequel ils sont. Et le cheikh, il dit ensuite, فَالتَّشَبُّهُ بِالْأَعَاجِمِ لَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى وَلَوْ أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا فَإِنَّ الْعَجَمِيَّةَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا إِذَا قُوبِلَتْ بِالْعَرَبِيَّةِ. Donc il dit que l'imitation des noms arabes, il n'y a pas de bien dedans. Il dit même si ce sont des noms arabes qui ont accepté l'islam, il dit parce que les noms arabes, il dit le fait d'être non arabe en soi, lorsque on le compare avec le fait d'être arabe, il dit il y a un manque dedans, une déficience dedans. Comme on l'a expliqué, il dit le cheikh que le fait d'être arabe, c'est mieux que d'être non arabe. Et il dit et les non arabes, par contre, ceux parmi eux qui ont obtenu l'honneur et l'élévation, ils l'ont obtenu lorsqu'ils sont entrés dans cette religion et lorsqu'ils ont appris la science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas à cause de leur origine, hein, ou à cause de leur lignée ou de leur classe sociale ou des choses de ce genre, mais uniquement parce qu'ils ont suivi cette religion là Allah les a honorés par ça. Il dit wa qawluhu kama yadkhulu fi musamma al-jahiliya al-arabiyya, في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. يعني الأعاجم إذا أسلموا وتركوا عادات الأعاجم وتقاليدهم يعني وأخذوا بآداب الإسلام صاروا مثل المسلمين والعرب، لأنهم اقتدوا بهم وساروا في ركابهم. أما إذا بقوا على عجمتهم وعاداتهم وإن كانوا مسلمين فإنه يكون فيهم نقص، فإنه يكون فيهم نقص. Donc ici le cheikh il explique, il dit que ceux parmi les comment il mentionne la, le il revient sur les propos de Ibn Taymiyyah. Il dit que ceux qui ont imité les Arabes parmi les non-Arabes, eh bien, ils font partie d'eux. C'est comme s'ils, on les calcule parmi eux. C'est-à-dire, on les calcule parmi les Arabes. Il dit, c'est-à-dire que... Oui, non. Avant ça, il y a un point aussi, j'ai oublié de revenir sur qu'est-ce que j'avais lu. Il dit, les non-arabes, lorsqu'ils acceptent l'islam et qu'ils délaissent les coutumes et les traditions des non-arabes ainsi que leur tradition, hein, et qu'ils prennent les manières et les enseignements de l'islam, alors dans ce cas-là, ils sont considérés comme des musulmans, hein, et comme des arabes, parce qu'ils ont suivi leur guidance, ils ont suivi leur voie, ils ont embarqué dans, hein, dans la même voie que eux. Et c'est-à-dire les premiers musulmans, puisque la majorité d'entre eux c'était des arabes, donc dans ce sens-là, hein, parce que c'est les arabes parmi les sahaba, hein, les premiers musulmans, c'était en grande majorité c'était tous des arabes, et donc c'est eux qui ont propager l'islam et qui ont amené l'islam par la suite dans le reste du monde. Donc, le fait de suivre l'islam et d'accepter l'islam et de faire partie des musulmans, eh bien, il y a dans ça une grande faveur, plutôt un grand mérite aux Arabes dans ça, du fait que c'est eux qui ont propagé la religion et qui ont été les premiers à l'accepter. Donc, le fait qu'on accepte l'islam et qu'on suive cette religion-là, il y a dans ça un mérite, hein, pour eux, et on doit le reconnaître, ce mérite-là. Il ne faut pas être orgueilleux, arrogant et fier au point de renier la réalité, hein, de cette faveur-là qu'ils ont, hein, sur les autres. Malgré que, même si, par exemple, aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens qui sont arabes, par exemple, eh bien, ils ne sont pas, par exemple, reconnaissants peut-être de cette grâce-là ou de ce mérite-là eux-mêmes, hein, et ils ont eux-mêmes imité, comme on l'a dit, les koufars et les mouchriquines parmi les non-arabes. Donc, c'est évident que ceux qui agissent de cette façon-là, ils n'ont pas ce mérite, hein, parce que on l'a déjà expliqué tout ça. Ça, c'est des choses qu'on répète. Le cheikh, il dit, toutefois, si ces non-arabes, parmi ceux qui ont accepté l'islam, même s'ils sont musulmans, s'ils restent sur leurs traditions et leurs coutumes non-arabes, hein, ou bien préalables à l'islam, ou des choses comme ça, eh bien, il y aura une défaillance dedans. Hein, en particulier, bien entendu, dans leurs traditions et leurs coutumes qui sont en contradiction avec l'islam. Il dit le cheikh, wa qawluhu wa man tashabbaha min al-arab bil ajam lahiqa bihim. Donc ceux parmi les arabes qui imitent les non-arabes, ils sont considérés comme eux, hein, ils font partie d'eux. Et il dit ya'ni an al-ajam idhan salaqu bi adab al-islam wa tahallaw biha wa taraku عاداتهم فإنه يكون لهم الكمال تبعا للعرب. أما إذا أخذوا الإسلام لكن بقوا على عاداتهم وتقاليدهم وتركوا بعض آداب الإسلام فإنه يكون فيهم نقص بلا شك. وكذلك العرب على ما فيهم من عزة ومكانة إذا تركوا بعض آداب الإسلام واتبعوا ما عليه العجم حصل فيهم نقص بحسب ذلك. Donc le cheikh il dit, ceux qui ont imité les Arabes parmi les non-Arabes, ils sont considérés comme étant un des leurs, hein, ou comme faisant partie d'eux. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, quiconque imite un peuple est un des leurs. Donc le cheikh il explique ça, il dit ceux donc parmi les non-Arabes qui ont adopté les manières de l'islam et qui se sont parés de ces belles manières et de ces valeurs, et qui ont abandonné leurs coutumes et leurs traditions pré-islamiques, alors ceux-là, ils ont la même perfection que les Arabes, puisque ils les suivent dans la guidance de l'islam et dans la bonne voie. Ils suivent l'exemple des salafs. Tandis que celui qui a accepté l'islam, mais qui est resté sur ses traditions et sur ses coutumes contraires à l'islam ou pré-islamique, hein, et qui abandonne certaines des manières de l'islam, alors il aura, à cause de ça, une défaillance dans sa religion et dans son comportement, et ainsi de suite. Il dit de même que les Arabes, la même chose, malgré ce qu'ils ont comme fierté, comme honneur, comme statut, s'ils délaissent une part des règles et des manières de l'islam et qu'ils suivent ce que suivent les koufars parmi les non-arabes, alors dans ce cas-là, ils auront une déficience selon le suivi qu'ils ont de ces coutumes-là. Et il dit le cheikh ensuite, « وَقَوْلُهُ ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس يعني أن العجم الذين من الله عليهم بالعلم والعبادة صاروا من أفضل الناس لأنهم اعتنقوا الإسلام وتخلقوا بأخلاق المسلمين فرفعهم الله عز وجل وتعلموا العلم النافع فبرعوا فيه كسلمان الفارسي وكالأئمة من بعده البخاري وأبي حنيفة وغيرهم من العلماء الأكابر الذين أصلهم من العجم الذين اندمجوا في العرب وأخذوا الإسلام أخذا صحيحا فرفعهم الله به وعلى النقيض العرب إذا تركوا دينهم وأخذوا ما عليه الأعاجم أذلهم الله والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que ceux qui parmi les fils des Perses ont accepté la foi et ont pris la science et la foi, eh bien Cheikh Al-Fawzan il explique que, c'est-à-dire les non-arabes qui ont accepter la science et la foi parmi ceux à qui Allah a fait cette faveur de leur donner la science et et l'adoration et la foi, eh bien ils sont devenus parmi les meilleurs des hommes. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté l'islam et qu'ils se sont ils se sont parés des beaux comportements des musulmans et ils ont adopté le comportement de l'islam et des musulmans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés à cause de ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés à cause de ça. Et le cheikh il dit, et ils ont appris la science bénéfique, hein? Et ils sont devenus des références. Et ils se sont approfondis dans cette science et ils sont devenus des références dans la science. comme Salman al-Farisi, hein, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc radiyallahu anhu, et de même que les imams de la religion, al-Bukhari, Muslim, hein, Abu Hanifa, al-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, tous ces grands imams-là, hein, Abu Daoud, c'était des noms arabes. Donc le cheikh, il dit, et beaucoup d'autres parmi les grands ulama dont l'origine, hein, est non arabe, mais ils se sont intégrés aux Arabes et ils ont accepté l'islam d'une manière, hein, correcte et authentique. Alors à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés, hein, contrairement aux Arabes qui, eux, ont abandonné leur religion et ont pris ce que suivaient les kuffars parmi les non-arabes, et Allah les a donc, à cause de ça, rabaissés et humiliés. Wal'iyadu billah. Il dit, wa qawluhu wa man naqasa min al-arab innama naqasa bitakhallihim an hadha, yani ma yahsulu lil-arab min madhallatin innama huwa bisababi takhallihim عن بعض دينهم وتخليهم عن أخلاقهم وما كانوا عليه من الصفات الحميدة فإنهم إن أخذوا عادات الأعاجم وتقاليد الأعاجم حصل لهم من الذل بحسب ما حصل لهم من الانتكاس عما كان للعرب والمسلمين. Donc le cheikh, il explique ensuite, maintenant c'est le dernier paragraphe dans cette explication, il dit que ceux d'entre les Arabes qui ont qui ont eu une défaillance ou une déficience dans leur religion, ils ont uniquement eu cette défaillance là lorsqu'ils se sont éloignés et qu'ils ont laissé une partie de ce que Allah leur a révélé, hein? Et donc le cheikh, il dit, ce que les Arabes subissent comme humiliation et comme rabaissement, c'est uniquement parce qu'ils ont délaissé une partie de leur religion, hein? Et les comportements, hein, de l'islam. Et donc ils ont laissé ce que ils avaient comme caractéristique et comme attribut louable, hein, parce que ils ont pris les traditions et les coutumes des non-arabes parmi les kuffars, et donc à cause de ça ils ont subi l'humiliation et le rabaissement selon l'éloignement et le retournement qu'ils ont eu par rapport à leur religion. Et il dit, comment ils se sont éloignés ou détournés de ce que les Arabes et les musulmans ont comme mérite et comme honneur. Et donc ça, c'est pour la clarification de ce passage. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, wa aydan فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط هذا الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان وصارت معرفته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصارت معرفته من الدين وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الإسلام وأقرب إلى إقامة شعائر الدين وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم وسنذكر إن شاء الله بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة. Donc ici le cheikh il explique maintenant le rôle et l'importance de la langue arabe par rapport à la religion pour les musulmans. Donc il dit ici également Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a révélé son livre dans la langue arabe et qu'il a fait que son messager sallallahu alayhi wa sallam transmette le livre et la sagesse dans sa langue qui était la langue arabe et qu'il a fait également des premiers parmi ceux qui ont accepté l'islam et qui l'ont propagé, hein, qui, il a fait que ce soit eux aussi des gens qui parlent et qui s'expriment dans cette langue. Alors il dit qu'il n'y a pas d'autre moyen pour bien comprendre cette religion et la connaître excepté en maîtrisant cette langue. Et donc la connaissance de cette religion, hein, le fait de si quelqu'un par exemple désire comprendre et connaître cette religion correctement et comme il faut, eh bien il doit y prendre l'habitude de parler cette langue ou de, du moins de la comprendre. Et s'il le fait, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour, hein, les pratiquants de cette religion et les gens de cette religion de connaître la religion d'Allah et ils seront beaucoup plus proches de l'établissement des rites et des règles de cette religion et également ils seront plus proches de l'imitation des premiers parmi les croyants, parmi les muhajirin et les ansar, hein, les premiers croyants, les premiers qui ont accepté la foi dans toutes leurs affaires, hein, ils seront plus proches d'eux et de leur ressemblance. Et il dit, nous allons mentionner de ce sujet, inshallah, certaines des paroles de ce que les ulama ont mentionné à ce sujet, au sujet du commandement et de l'ordre de s'exprimer dans la langue arabe et le fait qu'il est détestable de prendre l'habitude de parler autre que cette langue sans qu'il n'y ait un besoin de le faire. Et le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il mentionne à ce sujet, قوله وأيضا فإن الله تعالى ما لما أنزل كتابه باللسان العربي يعني من مزايا هذا الدين أنه حول أهل الأرض عربهم وعجمهم إلى أمة عظيمة قاهرة في الأرض يخافهم بالأقطار وذلك بسبب تمسكهم بهذا الدين وبهذه الأخلاق العظيمة فإذا ما تخلوا عنها أو عن بعضها حصل لهم النقص ثم إن هذا الدين أنزله الله باللسان العربي فلا بد أن يؤدي به أن يؤدى به ولذلك تعلم الأعاجم اللغة العربية وصاروا من أئمتها كالسيبويه وغيره فالواجب على الأعاجم تعلم اللغة وأن لا يبقوا على عجمتهم إذا أسلموا فإن ذلك يعد نقصا فلا بد أن يتعلموا لغة القرآن ولغة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يفهموا هذا الدين فهما صحيحا ويقوموا به على أكمل وجه. Donc le cheikh il dit que étant donné que Allah a révélé son livre dans la langue arabe, et ça fait partie des particularités de cette religion, hein, qui a fait que, hein, les habitants de la terre, arabes et non arabes, forment une grande nation puissante sur terre que les autres craignent. Et tout ça, c'est parce qu'ils se sont accrochés à cette religion et à ses beaux comportements et ses belles manières qui sont enseignées par l'islam. Et lorsqu'il se détache ou qu'il abandonne cette religion ou une partie de cette religion, eh bien, à cause de ça, ils ont des manquements et des défaillances. Il dit ensuite que, donc, étant donné que cette religion, Allah l'a révélée dans la langue arabe, eh bien, il faut que, qu'elle soit comprise. Il faut qu'elle soit comprise, cette langue. Il faut l'apprendre. Et donc, il dit que d'apprendre la langue arabe pour les non-arabes, c'est quelque chose de très important. Et on a vu que les non-arabes, parmi les gens au début, quand ils ont accepté l'islam, parmi les non-arabes, beaucoup d'entre eux sont devenus des maîtres de la langue arabe. Et même que beaucoup d'entre eux, c'est eux qui ont écrit les livres de grammaire arabe, comme par exemple Sibawayh. On parle de Sibawayh à chaque fois qu'on parle de grammaire arabe ou de la langue arabe. Et c'est lui qui a, écrit la grammaire. C'est lui qui a écrit la grammaire arabe alors qu'il n'est même pas arabe à la base. Donc, les plus grands savants de la langue arabe dans la grammaire, ce ne sont pas des arabes. Tout ça indique que les premiers musulmans parmi les non-arabes qui ont accepté l'islam, eh bien, ils ont appris l'arabe et ils l'ont maîtrisé. Pourquoi ? Pour être capable justement de comprendre cette religion. Et donc, il dit, lorsque ils rentrent dans l'islam, ils ne restent pas uniquement à parler leur langue et de ne pas faire d'efforts pour comprendre la langue arabe, parce qu'ils doivent apprendre la langue du Coran, la langue du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est très important pour eux de l'apprendre. Ils disent, s'ils ne font pas l'effort pour l'apprendre, il y a un manque là-dedans, il y a une déficience là-dedans. Et il dit, c'est dans le but de pouvoir comprendre cette religion-là d'une compréhension correcte et exacte, et pour qu'ils puissent respecter leur religion et la pratiquer de la manière la plus complète et la plus parfaite possible. Donc on voit que, juste par rapport à ce que le cheikh il explique ici, un commentaire important à comprendre, c'est qu'on peut dire que beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ont appris des langues étrangères à leur langue maternelle, par exemple la langue anglaise, la langue française et beaucoup d'autres langues, et ils ont négligé l'apprentissage de la langue arabe. Et la raison de ça, c'est parce que ils ont donné précédence à la dunya sur l'au-delà. Donc par exemple, ils ont dit, si on apprend l'anglais, on pourra avoir un bon travail, nos enfants pourront travailler, ils vont gagner de l'argent. Donc ça, c'est important. Et s'ils apprennent l'arabe, par contre, bon, ils vont comprendre la religion, mais ça, c'est pas très important pour eux, parce que la dunya, elle est plus importante. Donc cette attitude-là, c'est une attitude qui fait que beaucoup de musulmans ont négligé l'apprentissage de la langue arabe, alors que s'ils avaient vraiment regardé les choses d'une manière correcte et qu'ils avaient pris les choses en considération par rapport à la foi, eh bien, ils auraient bien entendu donné la priorité et la précédence à l'importance d'apprendre la langue du Coran, la langue de la religion, pour pouvoir justement mieux adorer Allah, mieux comprendre sa religion et être capable de la suivre correctement. Donc, quand on regarde, par exemple, dans certains pays musulmans qui sont non arabes, et comment parfois les gens, par exemple, qui ne comprennent pas l'arabe, sont parfois induits en erreur dans leur religion à cause justement du fait qu'ils ne comprennent pas le Coran quand ils le lisent, ou ils ne comprennent pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils les entendent. Et tout ça, c'est des choses qui font que des gens sont capables de les détourner ou de les manipuler facilement, parce que ils ne leur traduisent pas parfois les significations de manière exacte. Tandis que s'ils connaissaient l'arabe, ce serait beaucoup plus facile pour eux de comprendre et de pratiquer les choses hein, clairement. Cheikh, il dit ensuite, « وَلِذَلِكَ تَجِدُوا مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنَ الْأَعَاجِمِ وَدَرَسَ الْعَرَبِيَّةِ وَفَقِهَهَا أَصْبَحَ مِنْ أَئِمَّةِ التَّفْسِيرِ وَسَائِرِ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَلَوْ أَنَّهُمْ بَقَوْا عَلَى عُجْمَتِهِمْ أو نعم عجميتهم لما حصلوا ما حصلوه من العلم ولكان نقصا فيهم فالواجب على الأمة أي أن تحافظ على لغة القرآن فيكون الخطاب بها لأن هذا الدين جاء باللغة العربية الفصحى فلذلك يجب الاحتفاظ باللغة العربية لا سيما في الخطب والكتابات فإن الله اختارها لكتابه ولرسوله ولدينه ولا يذهب إلى اللغات الأخرى إلا عند الضرورة وبقدرها أيضا وإلا فإن البقاء على اللغة الأعجمية مع القدرة على تعلم العربية نقص عظيم ولا يحصل به فهم هذا الدين كما ينبغي لأن هذا الدين أنزل باللغة العربية وليس باللغة الأعجمية ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي فالمقصود أن اللغة العربية التي هي سيدة اللغات فيجب أن تسود وتنتشر في العالم حتى يصل هذا الدين للناس جميعا أما أن يكون العكس بحيث تجد من المسلمين من يستورد بعض الكلمات الأجنبية ويتحدث بها ويفتخر بها كحديث بعض الناس بلغة العجم في المستشفيات والأماكن الرسمية فهذا لا يجوز كما لا يجوز أن يتكلم بالعامية في الخطب والدروس لذلك يعني ذكر العلماء أن خطبة الجمعة تكون باللغة العربية مهما أمكن ولا تكون بالأعجمية إلا إذا كان الحاضرون أعاجم أو أنها تلقى بالعربية وتترجم لهم بلغتهم فالأصل في تبليغ هذا الدين أن يكون باللغة العربية Donc le Cheikh il explique que l'obligation pour la Umma c'est de préserver la langue arabe Et il dit donc, c'est pour ça que tu trouves que lorsque des non-arabes se sont convertis à l'islam, ils ont étudié la langue arabe et ils ont appris à comprendre la langue arabe et ils sont devenus des imams dans le tafsir et dans plusieurs autres sciences de l'islam comme le hadith et autres. Et donc le cheikh, il dit, pourquoi ? Parce que, il dit, ils ne sont pas restés sur leur langue maternelle, mais plutôt ils ont fait les efforts d'apprendre. Il dit, s'ils avaient uniquement gardé leur langue non arabe, eh bien, ils n'auraient pas obtenu tout ce qu'ils ont obtenu comme science, et ça aurait été donc une déficience chez eux. Et le cheikh dit donc, l'obligation pour la Ummah, c'est de préserver et de garder la langue du Coran et qu'on fasse les discours dans les sermons à la mosquée dans les sermons de la prière du vendredi par exemple Salat al-Jumu'ah ou bien les cours par exemple il dit que tout ça doit être dans la langue arabe parce que la langue arabe C'est par elle que cette religion-là a été transmise. Allah l'a révélée dans cette langue-là. Et c'est l'arabe classique, bien entendu, et non pas l'arabe dialectal ou bien l'arabe de la rue, que les gens parlent parfois. mais bien entendu l'arabe classique pur. Et c'est pour cette raison qu'il faut obligatoirement préserver la langue arabe, en particulier dans les discours et les sermons et les cours et les écrits et les livres. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que son livre soit en arabe, que son messager, que sa religion soit en arabe. Hein, son messager soit en arabe et que la religion soit basée sur la langue arabe. Donc, on ne doit pas aller vers d'autres langues, excepté lorsque c'est nécessaire. Hein, et selon la proportion de cette nécessité-là. Donc, certains parmi les gens qui ont, disons, qui prêchent la religion et qui veulent enseigner la religion maintenant, parmi eux, certains, ils ont l'intention ou l'idée qu'il faut traduire tout. Hein? Ils pensent qu'il faut traduire tout. Et ils vont même parfois essayer de traduire des gros ouvrages des ulama et des gros recueils des savants, alors que en réalité ces choses là c'est quelque chose qui déforme parfois même le sens, hein, et qui n'a pas vraiment un grand bienfait, hein. Si on regarde, parfois même ça peut avoir un effet contraire, parce que les gens, quand ils vont voir que tous les livres, hein, et tous les volumes sont traduits, vont dire, à quoi ça sert maintenant, j'ai pas besoin d'apprendre l'arabe puisque tout a été traduit dans ma langue. Donc ça, c'est important que les livres, ces livres-là et ces gros ouvrages soient en arabe, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et qu'ils restent, hein, en arabe, parce que c'est des sciences, parfois surtout des sciences outils, hein, comme on dit. Et donc ces sciences-là, il ne faut pas essayer de les traduire, sinon déjà c'est une perte de temps, et le temps que quelqu'un prend à traduire ces livres-là et l'argent qu'il prend pour faire ça aussi, eh bien c'est de l'argent qu'il pourrait investir et du temps qu'il pourrait investir dans l'enseignement de l'arabe, hein? Et c'est beaucoup plus profitable dans ce sens-là. Donc, d'ouvrir des écoles, de faire des centres et des écoles, et de donner des cours d'arabe dans les mosquées, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, il ne faut pas négliger cette chose-là. Le cheikh, il dit ensuite que on ne doit donc pas aller vers une autre langue, excepté lorsqu'il y a une nécessité. Et donc, on doit prendre selon la proportion de cette nécessité-là. Sinon, de rester sur les langues étrangères non arabes, alors qu'on est capable d'apprendre l'arabe, eh bien, il y a dans ça un grand manque, hein, et une grande défaillance. Et donc, il dit que quelqu'un ne va pas obtenir la compréhension de cette religion-là comme il faut s'il n'apprend pas la langue arabe, parce que cette religion a été révélé dans cette langue, la langue arabe, et et non pas dans une langue autre, non arabe. Comme Allah il le dit dans Surat Fussilat, à la fin de Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cette réalité là. Le verset 44, il dit, et si nous avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit, pourquoi ces versets ne sont-ils pas exposés clairement? Quoi, un Coran non arabe et un messager arabe? Dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés aveuglément. Hein? Ils sont frappés aveuglément en ce qui le concerne. Ceux-là sont appelés d'un endroit lointain. Donc le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on veut expliquer maintenant ici par rapport à ça, c'est que la langue arabe, c'est la plus importante des langues, et il est obligatoire qu'elle soit à la tête des autres et qu'elle se propage dans le monde. Et le but de ça, c'est pour que cette religion puisse être transmise et atteindre tout le monde, tous les hommes, sans exception. Il dit, tandis que lorsque c'est le contraire qui se produit et que tu trouves, par exemple, que les musulmans commencent à adopter les langues étrangères dans leurs hôpitaux et dans les endroits officiels, il dit ça, ça c'est pas permis, hein? C'est pas permis non plus de parler des langues étrangères dans les discours et dans les cours. Il dit, c'est pour cette raison-là que les ulama, ils mentionnent que la khutba de Jumu'ah doit être en langue arabe. La même chose aussi pour la salat. Maintenant, il y a des gens parmi les différentes tendances chez certains, dans différents pays, qui appellent à ce que la prière soit récitée ou faite dans les langues locales. Et ça, c'est interdit. Même que si quelqu'un, par exemple, récite la prière dans sa langue maternelle ou dans sa langue locale, et qu'il ne récite pas, par exemple, la Fatiha en arabe, alors sa prière ne sera pas valable. S'il est capable de la réciter, s'il est capable de réciter la Fatiha, il n'aura pas de récompense. C'est-à-dire, sa prière ne sera pas valable parce que la Fatiha, c'est un pilier de la salat. Et si tu ne la récites pas en arabe, parce que le Coran, c'est en arabe, donc si tu ne la récites pas en arabe, donc ce sera comme si tu n'avais pas prié. Ta prière ne sera pas valable. Le Coran, tu ne peux pas le réciter dans une autre langue puisque le Coran n'est qu'en arabe. Et la traduction, ce n'est pas la traduction du Coran, mais c'est plutôt la traduction des sens du Coran. Donc, le Coran ne peut pas être traduit. Le Coran ne peut pas être traduit. C'est seulement l'explication du Coran qui peut être traduite. Donc, ici, il faut comprendre ça. Parce que dernièrement, il y a un frère qui m'a envoyé cette vidéo de quelqu'un en Afrique de l'Ouest qui faisait la prière dans une langue comme ça, et il traduisait tout. Et j'avais déjà entendu aussi certains groupes aux États-Unis, comme le groupe de Warth Din Mohammed. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, Warth Din Mohammed, c'est qui? C'est le fils de Elijah Muhammad, le fondateur de la secte des Black Muslims aux États-Unis. Donc lui, on sait que c'est un Dajjal et c'est un shaitan parce qu'il a prétendu qu'il était un prophète. Donc par conséquent, il est kafir, il n'est pas musulman. Et tous ceux qui l'ont suivi et qui croient en ça sont des kuffars aussi. Et il avait envoyé, je crois, son fils étudier en Égypte l'arabe et la religion. Quand il est revenu, bon, il a essayé de réformer et d'échanger certaines des pratiques et des croyances de son père. Sauf qu'il a quand même gardé certaines choses. Et parmi les choses qu'il a ramenées, c'est justement de faire la prière, de réciter la salat en anglais. Donc eux, ils récitent, ils font le adhan en anglais, ils font le takbir en anglais. Allah is the greatest. Ils disent Allah is the greatest. All praises due to Allah, the most merciful, comme ça il récite, comme s'il pense que c'est le Coran qu'il récite en anglais. Et bien entendu, ça c'est bâtil, c'est pas acceptable. Donc il y a des gens comme ça, et à l'époque même, je pense aussi qu'en Turquie, Atatürk, Kemal Atatürk, il a voulu faire ça aussi. Il a voulu faire le adhan en turc et essayer de faire la récitation de la prière en turc ou des choses comme ça. Et bien entendu, ça a été rejeté par la suite. Ils ont ramené les choses telles qu'elles étaient à l'origine telles qu'elles ont été dans l'islam, dans la sunna. Donc ce genre de choses là, ça c'est un mouvement qui est dangereux parce qu'ils veulent opposer l'islam. Et un des bienfaits de garder ces choses-là en arabe, c'est que ça représente et ça joue un rôle en même temps unificateur pour tous les musulmans. Parce que peu importe où tu vas dans le monde, que tu ailles en Chine, que tu ailles en Afrique, que tu ailles en Inde ou en Asie, ou peu importe, dans le monde, même en Amérique ou en Europe, tu vas entendre le adhan, ça va toujours être le même adhan. Donc tu sais que c'est l'appel à la prière. Tandis que si c'était dans une autre langue, en chinois ou en autre, une autre langue, tu pourrais penser que c'est autre chose. Hein? Donc tu ne pourrais pas reconnaître. De même que, la même chose pour la salat. Si quelqu'un récite la salat dans une autre langue, personne on va pas reconnaître les différentes prières, les différents mouvements, les différentes paroles. Hein? Donc ça, c'est extrêmement important de garder les choses dans la langue arabe. Ensuite, le cheikh, il dit donc il faut donc garder les enseignements et les pratiques de la religion dans la langue arabe, en particulier les enseignements, les cours, les sermons, la khutba de Jumu'a, il faut qu'elle soit en arabe, et pas seulement en arabe, mais en arabe classique, et non pas dans une langue non arabe, ou bien comme parfois les gens qui parlent l'arabe dialectal, bil-ammiya, parce qu'il y a cette da'wa aussi. Les kuffars, ils essaient de dire qu'il faut qu'on modifie l'arabe ou ils disent qu'il faut moderniser l'arabe. Donc ils veulent éliminer la grammaire et ils veulent que les différents dialectes arabes des différents pays soient écrits. Au lieu que ce soit l'arabe classique, eh bien, ils veulent qu'on écrive la langue telle qu'elle se prononce, telle qu'elle est parlée dans la rue par les gens. Et donc ça, c'est bien entendu des efforts qui sont faits par les koufars pour éloigner les musulmans de la langue du Coran et pour faire en sorte qu'ils ne comprennent plus pour ne plus pouvoir justement le suivre et le pratiquer. Et ça, c'est des efforts que les koufars ont faits. Et en Algérie, par exemple, où les Français, par exemple, ont colonisé et ils ont occupé le pays pendant 132 ans, eh bien, ils ont travaillé très fort, même à une certaine époque, pour essayer de franciser la population. Et même, ils ont, à un certain moment donné, même interdit, ou ils ont essayé d'interdire la langue arabe. Donc, c'est pour ça que parfois même tu vois que dans certains pays, par exemple, comme ça, qui ont été colonisés, certains musulmans ont été coupés de leur langue, la langue du Coran. Et à cause de ça, donc, ils ont eu des défaillances dans leur langue. Ils ont du mal à la parler correctement et à s'exprimer correctement dans cette langue, et également à la comprendre aussi. Et donc, parfois même, je pouvais par exemple faire la khutba, et je fais toujours la khutba en arabe et je fais la traduction en français parfois. En général, je fais toujours la traduction, mais sinon, parfois certains musulmans, par exemple de certains pays, malgré qu'ils, à la base, ils parlent l'arabe, mais ils comprennent mieux la traduction que la langue arabe classique, parce que l'arabe classique, c'est pas leur langue. Ils la maîtrisent pas comme il faut. Donc ça, c'est un fait, c'est une réalité. Donc il faut que même les Arabes fassent des efforts pour maîtriser et comprendre l'arabe. Et quand on parle de l'arabe, c'est pas n'importe quel arabe, mais bien entendu l'arabe du Coran, l'arabe classique. Et il dit qu'on ne doit pas donc faire la khutbah en une langue étrangère, excepté si les gens qui assistent à la khutbah sont des non-arabes, hein, ou en grande majorité des non-arabes. Sinon, il faut que l'imam fasse la khutbah en arabe et qu'il y ait une traduction, hein, qu'il y ait une traduction pour eux. Parce qu'à la base, la religion doit être transmise en langue arabe. Ça, c'est très important. On va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui, et on continuera au prochain cours la suite de ces explications, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.